Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, basse police et haute couture, LVMH contre Fakir. De mars 2013 jusqu'au mois de février 2016, le groupe de luxe LVMH a fait espionner l'un de ses adversaires. Non pas un autre géant de la haute couture, non, ni un concurrent spiritueux, mais la société de Bernard Arnault a surveillé les agissements d'un journal, Fakir en l'occurrence. À cette époque, sa rédaction, des militants de gauche, dirigée par François Ruffin, s'attelle à la production d'un film qui pourrait nuire à la réputation de l'homme le plus riche de France. Ce documentaire sort en 2016, il s'appelle « Merci patron ». Dans cette émission, vous entendrez des extraits d'écoute téléphonique de Bernard Squarcini, consultant en sécurité pour LVMH. Elles ont été opérées entre mars et avril 2013 dans le contexte d'une enquête sur l'intermédiaire Ziad Takieddine. Mediapart s'est procuré ses écoutes et a dévoilé une partie de cette surveillance. Elle pourrait faire rire, tant elle échoue, mais elle soulève des problèmes autrement plus sérieux. Car pour satisfaire les intérêts de Bernard Arnault, Squarcini, ancien directeur central du renseignement intérieur de Nicolas Sarkozy, a sollicité l'aide de services de l'État et l'a obtenue. Notre invité aujourd'hui, Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, qui a révélé les écoutes de Bernard Squarcini. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Citoyens, ne rentrez pas chez vous, participez à l'Assemblée citoyenne. Le 31 mars 2016, je me souviens en tout cas qu'il faisait un temps de chiottes. Il avait plu pendant toute la journée, il y avait une manif, les gens se baladaient avec des sacs plastiques. Moi j'avais mes deux gosses qui étaient venus à la manif, descendus d'Amiens avec moi, et je voulais qu'ils assistent à ça, à qu'est-ce que ça se donnerait ce soir-là, nuit debout. Et je les avais couchés dans un hôtel à côté, je reviens sur la place et il y avait plein de monde, des milliers de personnes qui étaient là pour regarder Merci Patron parce qu'il y avait une éclaircie dans le ciel. Et en plus les gens, ce qui est surprenant, c'est que ils ont pas quitté la place juste après, et même ils ont décidé de revenir le lendemain, et donc il y avait un truc qui se passait qui était un petit peu magique ce soir-là. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous voulez participer à la GSI? Vous m'entendez, c'est bon? 31 mars 2016, Paris, place de la République. Il est 23h, un immense écran est étendu sur une estrade improvisée. Deux grosses enceintes sont posées sur quelques palettes et des milliers de personnes sont assises devant, sur le sol mouillé, portant bonnets et manteaux d'hiver. Malgré l'air frais, la soirée a tout de même un goût de printemps. Dans la journée, ces spectateurs ont manifesté. Car voilà plus d'un mois que le projet de loi El Khomri a été publié et, semaine après semaine, les manifestations ont grossi jusqu'à cette journée particulière où à Paris le mot d'ordre est « Ce soir, on ne rentre pas chez nous ». C'est le début de l'opération Nuit debout. Quelques semaines plus tôt, un film est sorti en salle. Il s'appelle « Merci patron », réalisé par François Ruffin, le rédacteur en chef du journal Fakir. C'est une comédie documentaire, peut-on dire, l'histoire d'une famille du Nord, les Clures, dans la détresse depuis que l'usine du coin sous-traitante de LVMH a été délocalisée en Pologne. On a fêté Noël avec une tartine de fromage, disent-ils. La pauvreté, c'est bon pour la ligne, ajoutent-ils. Et c'est l'histoire d'une revanche, parce que les Clures et Ruffin piègent Bernard Arnault, lui soutirent de quoi rembourser leurs dettes et au passage l'humilient devant la France entière. Ce 31 mars 2016, Merci patron, réchauffe donc la place de la République. Les milliers de spectateurs conspuent la plus grande fortune de France quand son visage apparaît à l'écran. Ils rient de voir François Ruffin chausser ses tongs « I love Bernard ». Et ils exultent quand les Clures arrachent leur dédommagement. C'est la lutte des classes, victorieuse, l'opprimé qui se venge de l'oppresseur. Mais ce que les spectateurs ignorent, c'est que tout au long de la production, Fakir a été espionné par LVMH. Oui, l'opération a commencé 3 ans plus tôt. Mars 2013, Paris, avenue Montaigne, boulevard du Luxe. C'est là que se trouve le siège social de LVMH. Et c'est là que se rend, comme chaque matin, depuis quelques jours, Bernard Squarcini. Cet homme n'est pas un employé comme les autres. Il est consultant en sécurité, et un an plus tôt surtout, il était le patron de la direction centrale du renseignement intérieur. Mais ses accointances avec le clan Sarkozy en ont fait un homme à abattre en mai 2012 dans la foulée de l'élection de François Hollande à l'Élysée. Et puis tant pis si Squarcini s'est reconverti dans le privé. Il a monté sa société, Kyrnos Conseil. En grec ancien, ça veut dire Corse, comme Squarcini lui-même. À chaque fois que cet homme qu'on surnomme le Squall fait parler de lui, c'est au détour d'affaires louches. Après avoir fait écouter les policiers qui enquêtaient sur les casinos d'un de ses amis corses, ou pour sa mise en examen dans l'affaire Bettencourt, entre autres, Squarcini a été formé à l'école Pasqua, Corse, lui aussi. Celle où l'État et les intérêts privés, la police et le banditisme parfois se mêlent et s'entremêlent. Il se trouve que LVMH est le premier client de Squarcini. Pour 38 000 euros par mois, l'ancien flic et haut fonctionnaire est chargé de la sécurité et de la lutte contre la contrefaçon. Et si en ce 6 mars 2013, Squarcini entre au siège social de LVMH, c'est que Bernard Arnault loge Kyrnos dans ses locaux. Arrivé à son bureau, il reçoit un appel de la secrétaire du PDG. Allô ? Bonjour Bernard, rebonjour, c'est Karine. Oui. Bernard, on a reçu un courrier de Fakir. Fakir, c'est un truc où on annonce clairement qu'à l'Assemblée Générale, ils vont faire le bazar. Je vais vous le dire en vitesse. Vous avez rempli un papier il y a quelques semaines ou quelques mois pour adhérer à CIAG et intervenir dans les Assemblées Générales d'actionnaires. Après, ils mettent les cibles. Le 18 avril, LVMH. Et le 18 avril, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a l'AG. D'accord. Et c'est signé... François Ruffin, PDG de Fakir. Fakir, journal fâché avec tout le monde, ou presque, dit le sous-titre. François Ruffin est en fac de lettres quand, en 1999, il crée ce journal militant de gauche à Amiens avec une conviction chevillée au corps, l'antimondialisme et un ennemi, le capitalisme financier. En 2013, Fakir est un bimensuel qui s'écoule à 11 000 exemplaires et qui compte 6 000 abonnés. Et un lecteur en plus, c'est un actionnaire en moins, dit un slogan des Fakiriens, comme ils s'appellent entre eux, Fakiriens. L'équipe compte 4 rédacteurs et quelques dessinateurs pour un maigre bénéfice annuel de 14 000 euros. À première vue, ce journal n'a pas de quoi faire peur à LVMH. Mais Fakir, une obsession. Bernard Arnault, le prédateur du Nord, comme il l'appelle. Quelques mois plus tôt, en septembre 2012, en effet, la première fortune de France, quatrième mondiale avec ses 41 milliards de dollars, a demandé la nationalité belge. Casse-toi, riche con, lui rétorque le journal Libération. Fragilisé, Arnault est préoccupé par ce que la presse dit de lui, et particulièrement la presse militante, comme Fakir. Parce que dans ce journal, ce qu'on aime, c'est la confrontation. Oui, on se déplace, on enquête, on provoque. Et ce que Bernard Arnault ne sait pas encore, c'est que Ruffin a des projets de film. L'idée est née à l'automne 2012, alors qu'il a le moral dans les chaussettes, dit-il, à cette époque. La France est morose, les perspectives aussi. Il rencontre la famille Clure, dans le Nord, qui a également ses raisons d'être accablée. Alors, pour le réconforter, une camarade de Fakir lui offre un t-shirt floqué « I love Bernard ». Ruffin, lui, décide de rebondir, de faire converger la peine d'éclure à son spleen à lui, de les transformer en énergie et en humour, et de le faire caméra au point. Le 11 mars 2013, Ruffin se déplace au bureau bruxellois de LVMH, en filmant, bien sûr. L'Assemblée Générale des Actionnaires a lieu un mois plus tard. Et Fakir inquiète. Le soir même, le numéro 2 de LVMH, Pierre Godet, appelle Bernard Squarcini. Allô. Bonsoir Bernard, vous allez bien? Ici Pierre. Oui. Moi je vous appelais parce que, en fin d'après-midi, oui. S'est présentée toute une équipe de drôles d'énergumènes à nos bureaux de Bruxelles. Mm-hmm. Ces joyeux drilles arboraient des t-shirts « I love Bernard ». En fait, c'est Fakir. Il y avait Ruffin, donc le gars qui dirige Fakir. Oui. Et naturellement, ils vont se représenter demain matin. Ils vont se représenter, d'accord. Alors, je ne sais pas si on peut obtenir le concours des services belges. Je vais voir ce que l'on peut faire pour saisir les amis belges. Voilà pourquoi Bernard, comme il dit, Squarcini, a été recruté. D'un coup de téléphone, l'ancien directeur des renseignements peut solliciter ses anciens réseaux pour les intérêts de son employeur. Et quand il cherche pour LVMH des informations sur Fakir, il appelle le secrétariat du directeur de la DGSI, et le ministère de l'Intérieur, et le directeur des RG de la préfecture de Paris, René Bailly. Puis c'est Pierre Godet qui lui soumet une idée. On peut introduire quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils font un appel au peuple, hein, un peu. Oui, oui, j'ai vu, mais c'est sous le manteau, hein. Attention, hein. Avec des trucs codés et tout. C'est le problème. Ok, je vois ça. Entendu, Bernard. Merci, au revoir. Au revoir. La stratégie de LVMH se précise. Il faut infiltrer Fakir. Alors, Squarcini appelle une autre de ses connaissances, Hervé Sévenot, PDG de l'entreprise I2F, spécialisée en intelligence économique, allez comprendre, espionnage privé. Nous sommes le 12 avril 2013, la secrétaire de Bernard Arnault rappelle Squarcini. Oui. Allô ? Oui. Oui, c'est vraiment super hein, ce que vous avez fait. Hein. Ah non, mais c'est génial. Ben là, on est dans le... on a infiltré. Bon, je traite avec quelqu'un, donc on rémunérera. Et donc là, on affine la liste avec les domiciles, les adresses, et on va recroiser pour essayer d'en sortir un meilleur trombinescope. Mais là, il verra qu'on s'en occupe, quoi. Bon. Mm. Ok, Bernard. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Pas peu fier, Squarcini. L'opération infiltration commence. Le directeur des RG de la préfecture de Paris appelle Squarcini pour lui confirmer que Fakir compte bien perturber l'Assemblée Générale. LVMH dispose maintenant d'un mouchard dans leur rang. Alors, comment l'infiltration s'est-elle déroulée? On ne sait pas. Mais devenir bénévole pour Fakir n'est pas compliqué. Si vous êtes à Amiens ou dans le coin, est-il écrit sur le site, on a toujours besoin de petites mains. Alors si vous voulez vous faire exploiter, appelez-nous. Toujours l'humour. 16 avril 2013, deux jours avant l'Assemblée Générale. Ruffin, tant il approche de Bernard Arnault, il se souvient, tout comme la secrétaire du PDG, qui décrit la scène à Bernard Squarcini. Il y a un seul jour où j'ai un peu eu peur, et c'est le seul jour où j'ai croisé Bernard Arnault. Allô ? Bernard, on a eu un problème, les mecs de Fakir sont rentrés. Où ? Au bureau. Ils sont rentrés dans le bureau ici ? Oui, en bas. À Montagne ? Oui. On arrive devant le siège de LVMH, et là on a les tongs I Love Bernard, on a le t-shirt I Love Bernard, on a la casquette I Love Bernard, le vigile à l'entrée, il nous demande bah, « qu'est-ce que vous faites là ?» Bah, on est des étudiants d'école de commerce, et donc il nous dit « bon allez, je vais vous laisser rentrer ». Et combien donc, bah, toute une petite bande, enfin c'était pas beaucoup, mais ils avaient des t-shirts I Love Bernard avec un truc, et bien entendu, M. Arnault ne descend jamais, et là il est en bas. Oh putain. J'avance vers l'accueil, et là, qui vient en face, il paraît qu'il descend jamais en plus, Bernard Arnault. Il venait de rencontrer le, je sais plus trop, un gars de chez Rothschild. Non mais monsieur, il a eu peur, en plus il était avec David de Rothschild. Oh putain. Puis avec David de Rothschild, après il va aller le raconter, quoi que c'est commencé. Et donc, moi, je suis dans le hall, et quand je le vois, mon idole, j'accours vers lui, je me précipite vers lui en lui disant « Voilà, j'ai pour vous un mug I Love Bernard ouais. ». Mais là, il est monsieur Arnault, il était fou. Hein. Ah bah oui, c'est normal, il est chez lui. Là. Donc, bon. Ah, et puis, il y a quelque chose, Bernard, est-ce que vous pouvez nous faire monter un petit bouton de panique? Vous savez, un bouton de panique. Enfin, vous savez, si, ou anti-panique, j'en sais rien. Moi. Bouton d'alarme. Ouais. Ce qu'on avait fait, c'était pas tragique. Hein. On avait remis un mug I Love Bernard au PDG de LVMH. Hein. Ok. Ok. Merci. Merci. Après cet incident gênant, Squarcini n'a plus le droit à l'erreur. Le 18 avril, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires au Carrousel du Louvre et tout doit absolument bien se passer. Il y a plus de 1000 personnes. Certains ont peut-être été attirés par la bouteille de Mouette et Chandon que LVMH réserve à chacun de ses actionnaires. En tout cas, d'autres viennent simplement écouter Bernard Arnault annoncer l'augmentation des dividendes. Mais Ruffin, lui, n'est pas là pour ça, évidemment. Avec des employés de la Samaritaine licenciés par LVMH et des délégués de l'usine de Boussac-Saint-Frère liquidés en 2011 par Arnault, précisément, le journaliste est venu confronter le PDG de LVMH à la misère qu'il a semée. Squarcini et ses équipes sont sur le qui-vive. Bernard, ils arrivent. Ouais. Ils arrivent. Okay. Ruffin arrive, ils sont cinq. Voilà. D'accord, cinq. Voilà. Ruffin aujourd'hui, veste en cuir marron, pantalon beige. Oui. Ouais, il avance dans la file. Ouais, c'est ça, on attend. Mais... Il est à combien, 5 voilà. Ils sont 4. 4 plus la taupe à toi. Ouais. Ouais, ok. Je te rappelle. Merci. L'opération infiltration a fonctionné. Il y a une taupe à toi, comme il dit, parmi les agitateurs. Et elle informe Squarcini en temps réel de tous ses déplacements. Lequel rencontre à Bernard Ernaud. Oui. Oui, Bernard, c'est Karine. Je mets le haut-parleur, hein. Oui. Monsieur entendre. Alors, bonjour, monsieur le président. En ce moment, l'équipe Ruffin plus 9 sont toujours à l'extérieur. Voilà, pour le moment, ambiance très calme. Il faudrait que Ruffin, évidemment, et les autres gars, là, s'ils rentrent, ils soient mis dans la salle sous flot. Hein. Ah, tout à fait. Mais alors, ils ne sont pas rentrés encore pour l'heure. Hein. Voilà. Ils sont à l'extérieur. Ok, ok. Très bien. Là, pour le moment, je vous tiens au courant. Merci, à tout à l'heure. Merci, oui, Bernard. Merci. Au revoir, Karine. La salle sous flot, en effet, c'est la salle des petits actionnaires, pas assez important pour être dans la salle de l'orme, là où s'exprime Bernard Arnault. C'est une salle plus petite, moins luxueuse, où l'on voit le PDG, certes, mais sur écran seulement. L'équipe de Fakir, députée et reléguée. Son espoir d'interpeller Bernard Arnault est plus que déçu. Car ça ne tienne, Ruffin enfile son t-shirt « I love Bernard ». Il se lève pour prendre la parole face aux actionnaires de second rang, mais la sécurité ne le laisse pas faire, et il est expulsé avec les autres. Et dans le chahut, un homme de la sécurité de LVMH, du nom de Jean-François Dijon, met la main au collet de l'un des perturbateurs qui se débat avant de lancer affolé « Lâchez-moi !» Demandez « C'est moi la taupe !» L'opération de LVMH a parfaitement fonctionné. Côté Fakir, en revanche, les plans ont été déjoués. Alors, Ruffin rentre à Amiens, tête basse. Pour mettre des bâtons dans les roues de Bernard Arnault, il va falloir trouver autre chose. Thank you. it's not right. I don't know what I'm gonna do with my life. It's not fair, it's not right. I wasn't born to just endure all this strife. Trying to make my way in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. On savait que on avait été qu'il y avait une tentative d'infiltration parce que il y avait un cas qui s'appelait Marc Folle qui était un peu bizarre, qui posait beaucoup de questions, qui voulait participer à nos actions, qui posait beaucoup de questions et qui était un peu louche. Et du coup, on s'est dit, ok, lui, il est bizarre. En fait, il faut savoir qu'on est dans toute cette histoire, on était 15-20 à être impliqués un peu et 5 à être impliqués au quotidien. Du coup, quand quelqu'un débarquait et posait 10 000 questions que personne ne connaissait, etc., c'était vraiment bizarre, quoi. C'était louche, donc ça a été assez vite, en fait. Johanna Silva, que vous venez d'entendre, collaboratrice de Fakir, se souvient en effet d'un dénommé Marc Folle. Dès avant l'Assemblée Générale, cet homme s'est présenté chez Fakir, à Amiens. La rédaction a déménagé en début d'année et a collé une grande affiche sur la devanture de ses nouveaux locaux que Folle découvre. Au rez-de-chaussée, il y a l'administration avec Éric Louis, le seul salarié, et Fabien Lemaire, chargé des problèmes juridiques. Au premier étage, c'est la mise en page et la cuisine, avec quelques bouteilles et des paquets de chips achetés au Lidl d'à côté. Au deuxième, c'est la rédaction, et tous les deux mois, des bénévoles viennent donner un coup de main. Marc Folle fait donc partie de ces bénévoles. Mais son attitude est étrange. Sa façon de promener son regard sur les papiers qui traînent, de poser des questions insistantes, intéressées sur le film, sur les actions en préparation. Pas net tout ça. Il propose même à l'équipe un stylo dans lequel est dissimulé un petit micro. Alors, après l'Assemblée Générale, Marc Folle est démasqué. C'est bien une taupe de LVMH, sûrement celle qui a fait capoter l'opération de l'Assemblée Générale. Mais au lieu de s'en séparer, Fakir le garde à proximité, comme l'explique Johanna Silva. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais on essayait de faire croire à LVMH qu'on montait toute une opération de pression autour de Bernard Arnault pour venir saccager le magasin Dior. On parlait aussi de kidnapper ses enfants. J'étais ok. Donc on a acheté des dossiers dans lesquels on a mis des feuilles blanches et on avait noté genre... Enfant Arnaud, on avait noté les adresses. Il y avait un dossier qui devait faire 10 cm de haut où il n'y avait rien dedans, mais genre vraiment rien. Donc on se pointe à Porte de Clichy. Sauf que Marc Folle s'est rendu compte pendant le rendez-vous que j'étais en train de l'enregistrer et de prendre la vidéo avec une caméra cachée. Et donc il a compris que, en fait, on avait compris qu'il n'était pas vraiment dans notre camp. Et voilà, c'était horrible. C'était tellement stressant. Eh oui, l'opération intoxication de Marc Folle échoue. Dommage, il aurait été un billet intéressant pour faire passer des messages à LVMH. Mais Fakir prendra sa revanche autrement. Elle sera orchestrée, cette revanche, depuis la petite ville de Forêt-en-Cambrésis dans le Nord, entre Cambrai et Maubeuge, où vit une famille très mal en point. C'est le couple Jocelyne et Serge Clure, des anciens de l'usine ECCE à Poix du Nord, à quelques kilomètres de là. On y fabriquait des costumes pour Kenzo, une marque de LVMH. Jusqu'à ce que, en 2007, l'usine soit délocalisée en Pologne, laissant sur le carreau ses 147 employés. Six ans plus tard, en mai 2013, les Clure n'ont pas retrouvé travail. Avec leur fils Jérémy, ils vivent avec 400 euros par mois. Mais enfin, comment fait-on pour vivre avec 3 euros par jour? Eh bien, on ne mange pas, répondent-ils, comme une évidence. Et voilà maintenant qu'ils ont 25 000 euros de dette et qu'un huissier menace de saisir leur maison. Les Clure n'ont plus rien à perdre. Alors il faut faire chanter Bernard Arnault. Ruffin, qui perçoit là une occasion de jouer un tour au PDG de LVMH, lui écrit une lettre se faisant passer pour Monsieur Clure. Jérémy, le fils de la famille, la lit. Non, merci patron. Au total, nos dettes s'élèvent à 35 672 euros et 42 centimes. La perte de nos emplois est évidemment la cause de ce drame, dont vous êtes le responsable direct. Nous réclamons une réponse avant le mercredi 29 mai. Si vous refusez de nous aider, nous vous associerons avec notre ancienne déléguée CGT, Marie-Hélène Bourlaire, à des élus de notre région, au journal Fakir, bref, à tous les hommes et les femmes que cette situation révolterait. Avec nos sentiments distingués, bien à vous. Bon, c'était une bouteille à la mer, lancée sans grand espoir. Mais contre toute attente, LVMH mort à la mission. 3 jours plus tard, en effet, Ruffin reçoit un appel. Au bout du fil, un homme qui se dit être de LVMH et s'appelait Jean-François Dijon. Jean-François Dijon, souvenez-vous, c'est lui qui, à l'Assemblée Générale des Actionnaires de LVMH, avait surveillé François Ruffin. Mais Dijon ne sait pas que la personne qu'il a au bout du fil est précisément François Ruffin, non. Lui croit parler à Jérémy Clure, le fils de Serge et Jocelyne. Et il veut rencontrer la famille chez elle, à Forêt-en-Combrésie. Pour le rendez-vous, Ruffin et son équipe mettront une caméra cachée dans une vieille poupée et un micro planqué dans un faux chat qui dort sur le buffet. On ne se méfie jamais assez du chat qui dort. Jean-François Dijon est un grand homme chauve qui parle très fort et qui semble droit sorti des tontons flingueurs. Et devant la vieille poupée et le matou endormi, voilà ce qu'il promet au Clure. 35 000 euros de dédommagement et un CDI pour Serge, le père, au magasin Carrefour le plus proche. Jackpot. Mais en échange, surtout on n'en parle à personne, ne prévient-il, ni à Mélenchon, ni à France Inter, ni à Fakir. Surtout pas à Fakir d'ailleurs. Il doit venir une deuxième fois pour officialiser leur accord. Mais là, François Ruffin veut assister au rendez-vous. Oui, il veut être là quand Jean-François Dijon serrera la main de Serge et Jocelyne Clure. Il veut être aux premières loges pour voir Bernard Arnault et son émissaire tomber dans le piège. Mais il ne faut pas qu'il vienne en tant que François Ruffin, évidemment. Non, il faut qu'il se déguise en Jérémy Clure, le fils de la famille. Bien, une teinture blonde, une fausse cicatrice à la joue droite, une paire de lunettes, des lentilles bleues, le déguisement n'est pas top, mais Ruffin entre dans le salon des Clures, où sont assis autour de la table Serge et Jocelyne, avec Jean-François Dijon, qui ne le reconnaît pas. Mieux encore, il le félicite. Mais il lui dit qu'il a une chance de cocu, et lui remet un chèque de 15 000 euros. Comment se fait-il, en sachant que la sécurité de LVMH a listé les membres de Fakir, collecté leurs adresses et infiltré leur rédaction, vu Ruffin à l'âge des actionnaires et dressé des trombinoscopes, comment se fait-il que l'émissaire de LVMH ne reconnaisse pas François Ruffin alors qu'il est assis là, à 50 cm de lui? L'intéressé s'interroge. Moi, j'ai envoyé des tas de cartes postales à Bernard Arnault. Quand j'allais en vacances, j'envoyais des cartes postales. Je partais en vacances, paf, une petite carte, quoi. Il faut avoir une bonne attention, quoi. Donc ils avaient mon écriture. Quand j'écris la lettre des Clures, c'est avec mon écriture. Le numéro de téléphone que je mets, c'est mon numéro. Et le courrier, je le poste depuis Amiens. Bref, en matière de discrétion, on fait pas pire, quoi. C'est vrai qu'on, quand on voit le déploiement de services de sécurité, de gens qui sont supposés être des champions du renseignement et tout ça, et qu'on fait ça et que ça marche, c'est incroyable, quoi. Et le fait en effet de venir m'asseoir à côté de Jean-François Dijon, grimé, mais enfin c'est quand même pas Star Wars, hein, le déguisement, quoi. Je pense que c'était tellement impensable pour lui que François Ruffin vienne s'asseoir à côté de lui dans la salle à manger des Clures que ça pouvait passer, quoi. Et tout le piège est filmé, enregistré, et Dijon apprendra qu'il s'est fait duper qu'à la sortie du doc, merci patron. Bernard Arnault voulait discrètement désamorcer la menace des Clures. Mais c'est tout le contraire. Dans cette histoire d'agent double, il s'est fait piéger, vidéo à l'appui. Nous sommes maintenant en mars 2014, quelques mois après que les Clures ont été dédommagés par LVMH. Et Ruffin, sous la fausse identité de Jérémy Clure, a beaucoup de mal à mettre fin à son petit jeu avec Jean-François Dijon. Il veut le remercier de son aide en l'informant de ce que prépare Fakir. Dijon, lui, est persuadé d'avoir un informateur dans le camp adverse. Jérémy Clure, alias François Ruffin, je le rappelle, le sait de source sûre, les Fakiriens ont réuni des dizaines de syndiqués, d'employés de Goodyear et des gros bras picards pour venir saccager le magasin Dior de l'avenue Montaigne. Tout est faux, mais Dijon tombe dans le piège, encore une fois. Johanna Silva, collaboratrice de Fakir, se souvient. Donc le jour J, le jour où on était censé descendre, on est dans le métro avec François. Donc déjà, dans le métro, on entend des flics qui disent « Ah, ils sont pas là, ils sont pas arrivés, on voit personne, machin. » Donc on sent qu'ils sont en train de chercher Ruffin, ils sont en train de chercher la bande à Fakir. Donc j'y vais seule rue Montaigne avec une amie à moi. On débarque devant Dior et là il y a, il me semble, 5 camions de CRS, 10 flics devant le magasin qui sont en train d'attendre. Et là, en 30 secondes, il y a 2 flics qui déboulent et qui nous adressent la parole en nous disant « Qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez arrêter de filmer ça tout de suite. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez d'Amiens ? C'est ça, vous venez d'Amiens ?» Et là, il nous dit « Non, mais on sait ce que vous faites là et on sait que vous savez. » Et il sort un trombinoscope avec les têtes des fakiriens un par un, etc. La sécurité de LVMH a donc demandé et obtenu l'aide de la police nationale pour protéger son magasin d'une menace en fait inexistante. Avec cet épisode, se dévoile un peu plus la porosité entre les intérêts privés du groupe de luxe et les services de l'État. Au printemps 2014, le tournage de Merci Patron est terminé. L'équipe de Ruffin peut passer au montage, mais la surveillance de LVMH continue. Le 8 avril 2016, Merci Patron est en salle depuis 2 mois quand on toque sans prévenir au domicile de Bernard Squarcini. Il ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec des policiers et 2 juges d'instruction. Ils entrent, mandat de perquisition à la main. Squarcini est visé dans le cadre de 3 enquêtes. Dans son appartement, ses bureaux et son coffre de la BNP Paribas, il saisit des centaines de documents qui n'ont rien à faire à sa possession. Des rapports secret défense, des pièces de procédure couvertes par l'instruction, le plan de l'appartement de Ségolène Royal ou une note des renseignements sur l'affaire Cahuzac. Parmi ces documents, il y a un mail en particulier. Son destinataire, Jean-François Dijon. Son objet, récompense de fin d'année. Et vient une liste de gendarmes, de policiers, de hauts fonctionnaires, dont René Bailly, directeur des RG de la préfecture de Paris. Il n'est pas précisé la nature de ces récompenses, ni si elles ont été effectivement distribuées. Mais le mail intrigue. Alors, c'est au tour du domicile de Dijon d'être perquisitionné. Et que trouve-t-on ? Un dossier fakir, des tableaux des finances du film, un tract contre LVMH, un mail de la rédaction de Fakir. C'est Squarcini qui m'a donné ces documents, explique Dijon. C'était un informateur au sein de Fakir qui avait fait les poubelles. Quelqu'un a donc fouillé les poubelles de Fakir pour LVMH. Est-ce Marc Folle ? Non, il a été démasqué avant. Donc il y a eu d'autres taupes. Mais qui ? Ce que nous savons, c'est que I2F, la société de Hervé Sévenot, a continué la surveillance en 2015. En témoigne cette note destinée à Squarcini datée de mars de cette année-là. Le suivi de Fakir depuis ce début d'année, à travers plusieurs réunions internes ou publiques, amène à penser que François Ruffin a désormais une liberté totale dans ses opérations. En effet, eux, coordinateurs de Fakir, a finalement démissionné à la suite de désaccords avec François Ruffin. C'est désormais J, la compagne de François Ruffin, qui coordonne les actions de Fakir. Et les notes continuent. Elles dévoilent l'immatriculation d'une voiture de la rédaction, les identités des fakiriens, leurs liens avec les collectifs d'extrême-gauche. D'autres documents retrouvés chez Squarcini permettent d'en savoir plus. Il a embauché un autre personnage important, Jean-Charles Brizard. Lui aussi dirige une société de renseignement privé et lui aussi a travaillé sur Fakir. La police découvre pas moins de 400 SMS échangés avec un certain Tarek Albert F, infiltré dans le journal et qui informe Brizard des déplacements de Ruffin, des réunions de rédaction, des rivalités entre fakiriens. De quoi reconstituer l'agenda du journal et réaliser un trombinoscope de ses membres, peut-être celui que les policiers tenaient entre les mains devant la boutique Dior. Ces messages courts de juillet 2013 à mars 2017. Pendant presque 4 ans donc, Fakir a été infiltré, comme dans une bonne vieille dictature où l'on surveille la presse de près pour l'empêcher de nuire. Mais pour quel résultat ? Le 29 février 2016, Squarcini envoie un SMS à Hervé Sévenot. Bon, finalement, on laisse tomber la prestation F en ce qui te concerne. C'était 1 mois avant la projection de Merci Patron, à Nuit Debout. Malgré les taupes, les déstabilisations, les coups de main de la police et les filons des renseignements, ce n'est pas LVMH qui a intoxiqué Fakir, c'est l'inverse. François Ruffin lit une lettre qu'il a envoyée au groupe de luxe au nom de Jérémy Clure. Monsieur Bernard Arnault, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire le sait, je lui ai dit que s'il me donnait une photo de lui, je la mettrais dans ma cuisine, c'est pas une blague. Voilà, je crois bien que j'ai fini. Je suis hyper fatigué, les nerfs en compote, mais heureux quand même, et considéré que j'ai écrit toutes ces pages pour rien, et que j'aurais juste pu écrire en gros « Merci », avec tout mon respect pour les grands hommes que vous êtes, Jérémy. Voilà. Vous prenez du plaisir à duper ceux qui étaient censés vous surveiller ? Ah bah oui, un plaisir immense. Duper la première fortune de France, duper Bernard Swarskini, le squal, l'homme de main de Nicolas Sarkozy, et de duper là, le commissaire des renseignements, Jean-François Dijon. Ouais, c'était une période. J'avais du mal à en sortir, quoi, de ce jeu-là, qui était. Voilà, j'étais pris dedans, et du coup, j'ai eu du mal à mettre fin à un canular géant, quoi. Merci à eux. ...500 000 entrées en salle, César du meilleur documentaire en 2017, humiliation de Bernard Arnault, élection de François Ruffin aux législatives de la première circonscription de la Somme. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci patron. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah, ah, ah, ah, oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïla, laïla, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. Merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah, ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Laïla, laïla, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. En attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Laïla, laïla, yeah. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, merci patron, notre invité Fabrice Arfi, bonjour. Bonjour. Journaliste chez Mediapart, vous êtes à l'habitude d'affaires sensibles. C'est normal, les territoires sur lesquels se meut Mediapart, c'est un territoire d'affaires sensibles. Hein, donc on se retrouve. C'est vous qui avez révélé une partie des écoutes téléphoniques de Bernard Squarcini opérées en 2013. Elles ont été opérées dans le cadre d'une enquête concernant Ziad Takieddine, personnage clé de l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Et ces écoutes, vous les avez publiées dans une série d'articles, de podcasts sur le site de Mediapart. Série intitulée Le Squal, Opération Secrète. Série écrite avec Pascal Pascariello et Armel Baudet. L'affaire qui concerne LVMH et Fakir représente seulement un épisode parmi cinq, mais il vaut le détour. Effectivement, vous me disiez pendant l'émission, quand j'entends ces archives que je connais par cœur, ça me fait toujours rire. Oui. Un derrière jaune quand même. Hein. Absolument. En même temps, il ne faut pas être otage de son propre amusement par rapport à ce qu'on entend. C'est vrai que c'est burlesque, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'absolument ridicule à entendre l'un des hommes les plus riches du monde qui a au sein de son état-major des très hauts magistrats, des anciens hommes politiques, par exemple le numéro 3 actuel de LVMH, c'est Nicolas Bazire qui a été condamné dans l'affaire Karachi et qui est aussi le témoin de mariage d'ailleurs de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy. Et qui était l'un des deux conseillers proches de Balladur. Absolument, c'était son directeur de campagne et son directeur de cabinet. Alors il a fait appel de son jugement dans Karachi. Et Bernard Squarcini, l'un des hommes dans le monde de la police réputé les plus puissants de France, et être paniqué, littéralement paniqué, oui, par des activistes joyeux qui portent des t-shirts « I love Bernard » et, pour se rassurer, être en mesure de mettre en branle, et c'est là où il ne faut pas être piégé par le rire, je crois, même si c'est évidemment très important, qui sont capables de mettre en branle des institutions régaliennes, la police, les services de renseignement, jusqu'à l'Élysée, hein, on l'entend jusqu'à certaines personnes qui à l'époque travaillaient à l'Élysée, au renseignement à l'Élysée, même des services étrangers, la Belgique, pour contraindre ce qui est quoi? Ce qui est une contestation qui n'est pas contesté sur le plan légal par Bernard Arnault, et jusqu'à espionner un journal, fut-il militant, peu importe, c'est pas interdit par la loi d'être militant, activiste même, c'est celui, vous l'avez rappelé, et ô combien avec talent, de celui de François Ruffin, qui est aujourd'hui quand même député et représentant de la nation. Donc, pour résumer, ce qui est, c'est choquant à deux niveaux, choquant de surveiller la presse, c'est choquant quand on est de la sphère privée, de bénéficier de services de l'État. C'est ça. Absolument. Je crois qu'on est à la fois avec ces interceptions judiciaires qui sont parfaitement légales. Hein. C'est pas des barbouzeries d'officine, là. Hein. C'est vraiment le travail de la justice, de la police. On est à la fois dans un objet sociologique assez vertigineux, je trouve, sur la pénétration de la compréhension de ce grand monde, de la très haute finance, de la très haute police. Et c'est la démonstration par la preuve, et d'ailleurs, personne ne peut rien contester de ce qui est raconté, puisque c'est eux-mêmes qui en parlent, pour reprendre une expression qu'aime bien Bernard Squarcini, c'est de la bouche du cheval. Donc c'est on entend Bernard Arnault, on entend Bernard Squarcini, on entend leurs hommes de main. Et c'est le récit d'une porosité extrêmement inquiétante entre des intérêts publics et des intérêts privés, ou plutôt les moyens du public mis au service des intérêts privés, et comment les seconds dévorent les premiers, quitte à défigurer l'idée quand même d'un bien commun supérieur à simplement le confort de grandes entreprises, fût-elle très importante pour l'emploi en France ou le CAC 40, vous voyez. Et donc là, on a l'utilisation de moyens et de personnes qui sont normalement les représentants de l'État, c'est-à-dire les représentants de nous tous, qui se mettent en quatre pour les intérêts personnels quasiment d'un milliardaire qui est Monsieur Bernard Arnault. Ça raconte ça, ça documente ça de l'intérieur. Est-ce que Bernard Arnault s'est expliqué sur cette affaire et comment ? Alors c'est assez intéressant parce que Bernard Arnault, il a été entendu dans le cadre du dossier qui vaut plusieurs mises en examen à Bernard Squarcini, notamment pour trafic d'influence dans l'affaire qu'on peut appeler l'affaire LVMH. Il a été entendu comme témoin. Et en fait, quand il a été entendu par les services de police, il a dit « moi je suis au courant de rien ». J'ai jamais été informé de rien. Et c'était avant qu'on révèle ces enregistrements, ces interceptions judiciaires, dont il est très important de rappeler qu'elles n'ont pas toutes été retranscrites par la police. C'est-à-dire que ce que vous avez diffusé, ce que nous avons diffusé sur Mediapart cet été, n'avait pas été retranscrit par la police. Donc les juges étaient aveugles aux propres preuves qui étaient dans leur dossier. Sauf que vous voulez dire qu'ils ne voulaient pas les voir ? Je sais pas s'ils ont été débordés, s'ils avaient trop de travail, s'il y avait une raison encore plus coupable qu'on a voulu cacher les compromis mission d'un certain nombre de policiers. Je n'ai aucune religion sur la question et je ne veux pas avoir de conclusion hâtive. En tout cas, ces interceptions que nous diffusions alors qu'elles n'étaient pas retranscrites permettent de comprendre que, en fait, Bernard Arnault n'a peut-être pas dit toute la vérité quand il a dit « j'étais au courant de rien ». Preuve en est l'extrait que vous avez vous-même diffusé, puisqu'il est dit à la secrétaire particulière qui en rapporte à Bernard Arnault, qui fait des notes à Bernard Arnault, qu'ils ont infiltré Fakir. Et d'ailleurs, la secrétaire particulière de Bernard Arnault dit, il est ravi, c'est formidable. Il est ravi qui? Le patron, Bernard Arnault. Donc il a menti, quoi. Donc, je pense que ce qu'il a dit sur procès-verbal ne correspond pas exactement à la vérité factuelle que les écoutes judiciaires permettent de documenter. Donc il a menti, point d'interrogation. Ok. La secrétaire, elle se retrouve à avoir un rôle important, finalement, cette femme. Oui, en fait, d'abord, c'est un personnage... je trouve assez attachant et très touchant, très dévoué à la cause qui est celle de son patron Bernard Arnault. Très impressionné de faire affaire en quelque sorte avec Bernard Squarcini. Et en fait, c'est vraiment le point de contact entre Bernard Arnault et Bernard Squarcini, entre les deux Bernards. Mmh. C'est la courroie de transmission des desiderata de l'un et de l'activisme de basse police, comme vous l'avez dit, de l'autre. C'est un fusible, en fait. C'est un coupe-circuit, comme on dit dans le milieu de la finance offshore. On appelle ça des coupe-circuits. Mmh. C'est-à-dire c'est plus compliqué à retracer ce qui s'est passé. Voilà. Pour moi, c'est un personnage qui fait le travail qu'on lui demande. Ce qui est important, c'est un, l'ancien chef des services secrets intérieurs de Nicolas Sarkozy, M. Squarcini, deux, M. Bernard Arnault, et entre les deux, toute la machine, une grande partie de la machine d'État policière ou de renseignement qui décide d'abandonner le sens de l'État pour simplement celui des intérêts privés. Nanar, Squarcini, on l'appelait Nanar. Ouais, on parlera de lui dans 3 minutes après avoir écouté James Bond, cette circonstance, Reggae Pop. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Et merci patron, nous en parlons avec notre invité, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi. Fabrice, on va écouter une archive. Alors, ça se passe juste après l'Assemblée Générale des Actionnaires, en avril 2013, cette fameuse AG dont nous avons parlé dans le récit. Au bout du fil, c'est un certain Pierre Liotot. Il est préfet, numéro 2 du Conseil National du Renseignement à l'Élysée, à l'époque. Et il appelle Bernard Squarcini, qu'il a apparemment recommandé à LVMH. Et quand il parle de Karine, eh bien, il s'agit de la secrétaire de Bernard Arnault, qu'il appelle Béa, et dont nous avons parlé ensemble tout à l'heure. Allô? Oui. Heureusement que j'ai pas conseillé des pieds nickelés, hein. Bon, ça, elle était ravie. Qui ça? Ben, Karine, elle était ravie. Non, mais j'ai dit, tu vois, ça change des pieds nickelés que vous aviez, quoi. Ça, c'est des professionnels. Oh, non, j'avais pris un petit cabinet privé qui a fait toute l'infiltration du groupe Petro. On avait tout en temps réel. Tu vas avoir une prime en plus. Non, ça marche comme ça. Non, je suis pas salarié, ça marche pas comme ça. Non, en plus, tu as vu, vu Béa, elle m'a dit. Oui, il a voulu me voir en disant, voilà, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, c'est super. Il me dit, j'ai entendu aucun bruit. Je fais, non, mais au fur et à mesure, ça a été bref et intense. Ah, c'est bien, bah, il est content. Alors. Ouais, ouais. Ok, bah, tout à l'heure, Léonard. Salut. Ah, voilà la preuve de la porosité. Ah bah, totalement, là, on faut quand même réaliser ce qu'on vient d'entendre. C'est un homme qui est dans la tour de contrôle des services secrets à l'Élysée, alors sous François Hollande, Monsieur Hollande n'était pas réputé proche de Bernard Squarcini, qui vend la mèche sur le fait que c'est lui qui a quand même conseillé Bernard Squarcini au groupe LVMH, et Bernard Squarcini qui lui, alors carrément lui dit tout, lui dit « on avait infiltré ». Et il n'y a pas le préfet qui dit « quoi, t'as infiltré, mais c'est légal, c'est pas légal ». Non, on dit « c'est super ». Pourquoi c'est super ? Parce que le prince, monsieur Bernard Arnault, est absolument ravi. Mmh. Il y a une autre interception judiciaire avec le patron du préfet, qui s'appelle Ange Mancini, qui est lui aussi un ancien, bien sûr, très connu. Dans les milieux pascoyens, sarkozystes, qui parle avec Bernard Arnault. Alors, il parle d'un autre sujet, il parle de l'affaire Cahuzac, parce que qui parle avec Bernard Squarcini, qui parle de l'affaire Cahuzac, parce que M. Squarcini a mobilisé les services de renseignement pour donner des informations à Nicolas Sarkozy sur Cahuzac. Et les deux sont proches, et il y en a un qui dit, c'est M. Mancini qui dit à Squarcini, « Bernard, nous on est des voyous, mais on est des voyous peinards. » Voilà. Et Squarcini dit « ouais, t'as raison », il dit « nous on bouffe tout au jour le jour », et Squarcini rajoute « bah ouais, c'est comme ça que c'est bon ». C'est un dialogue. Cynisme. C'est un dialogue à la Audiard, c'est vrai, c'est burlesque, mais on est quand même entre au sommet de l'État, entre le chef du renseignement à l'Élysée, l'ancien chef des services secrets intérieurs sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Je trouve que ça dit quelque chose d'une partie de l'État de notre République qui est extrêmement inquiétant en réalité, puisque c'est eux-mêmes qui se voient comme ils se décrivent au téléphone, et c'est intercepté par la police et la justice. D'où cette part de cynisme aussi. Le cynisme est toujours inquiétant. Absolument. Parce que c'est la conscience qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, mais qui rapporte, on est content de ça. Alors, c'est un corollaire de ce qui, depuis 20 ans que je fais ce métier-là, un peu plus même, et bientôt 13 ans à Mediapart, c'est le corollaire du sentiment d'impunité. Oui, l'invariant de toutes les affaires que j'ai eu à traiter et à révéler, c'est le sentiment d'impunité. Je peux vous dire que dans l'affaire LVMH et toutes les pratiques de Bernard Squarcini, il est très élevé, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou chez des personnages comme Monsieur Squarcini, pour faire ce qu'il a fait et qu'aujourd'hui la justice lui reproche. Il nous reste une minute 15. Je voudrais absolument quand on choisit des thèmes pour affaires sensibles, c'est rarement par hasard. Et celui-là, il a quand même il fait comme une chambre d'écho à ce à quoi on assiste en ce moment, c'est-à-dire cette proposition de loi dite de sécurité globale, qui va avoir, en tout cas pour l'un de ses volets, des prolongements et des conséquences, cherchez le mot, pour notre métier de journaliste. Et je rappelle qu'on a voté aussi, en France, quelque chose qui s'appelle le secret des affaires, et qui établit un périmètre contre les journalistes, c'est-à-dire au-delà, une étape au-delà de laquelle les journalistes ne peuvent pas enquêter sur les entreprises. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Bah, c'est très inquiétant, c'est-à-dire que nous avons un pouvoir politique qui a parfois quelque chose quasiment de la double pensée orwellienne, c'est-à-dire que d'un côté, ils disent liberté d'expression, liberté d'expression, liberté d'expression, et de l'autre, ils engagent des réformes légales dont le but est de restreindre la liberté d'informer, qui est l'un des piliers de la liberté d'expression. C'est la démocratie. Une sorte de haine du journalisme, ouais. Dont on voit bien les aspects sidérants, par exemple avec la loi sécurité globale, où on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a demandé aux journalistes de se rapprocher de la préfecture pour pouvoir suivre des manifestations. Il faudrait peut-être que le ministre de l'Intérieur se rapproche de la Constitution française ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme avant de dire des choses pareilles. Donc là, il y a un effacement de la frontière entre la décence et l'indécence, pour reprendre un terme cher à Orwell, qui là aussi a de quoi, je crois, inquiéter. Ce sera le mot de la fin, Fabrice Arfi. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Merci patron, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, et tous les soirs à 23h. Je le rappelle, à la technique aujourd'hui, il y avait Elisabeth Collet.